ça part en couille. Je me dérouille à faire ce que je veux en mode embrouille. Ça part en couille dans ce monde, je fouille, cherche sans arrêt la petite faille. Guerre, attentat, coup d'état et menace nucléaire. La soif de pouvoir te fait voir que tu peux même trahir ta mère. Certains laissent d'autres dans leur merde, normalis n'ont rien à faire. Du clochard au multimilliardaire, personne ne s'arrête. Course pour la première place sur le podium, on n'est pas bien derrière. Tout le monde veut être devant et laisser sa mère par terre. Si tu la ramasses, fond dans la masse, Illuminati ne touche pas. Pensée ilmatique, Nas va t'expliquer comment ça se passe. Afrique surexploité, grâce à nous les prix sont bas. Considérés comme des grosses merdes, sans arrêt on se bat. De France ma chance, vraiment sous des mots. C'est le why why, donc ce moi je suis ballant. C'est vrai que trop de sang coule pour des pétrodollars. Ça sent pas les couilles, les entrailles de cette terre pleurent. Les enfants vivent dans les rues, bourrés de souffrance. Comble d'un monde. De France ma chance, Clémence sous démence. C'est le why why, donc ce moi qui balance. Comble d'un monde, yeah. De trompe, de bombe, okay. Ça tombe en catacombe, je tombe des combes. De catacombe immonde, ça plombe et ça rompe, yeah. C'est le comble d'un monde. Alors je fais ce son, oh. Pour me mettre du côté bon devant le 20h, oh. J'ai la tristesse de Joconde, parce que de bonheur, yeah. Ça fight sous des coups de plomb, devant la peur, ça fit sous des jets de tombe. Militaire, nucléaire et terre. Ça essaie de taire les vérités, on les enterre. Depuis des siècles, ça se passe comme ça. Et les riches continuent à piétiner les pauvres. Depuis des siècles, ça se passe comme ça. Et l'homme continue à perpétuer son œuvre. Regardez juste un instant autour de vous. Regardez dans les yeux de ses enfants. Ne voyez-vous pas que le malheur les entoure? Ne voyez-vous pas que le monde se meurt? Depuis des siècles, ça se passe comme ça. Et les riches continuent à piétiner les pauvres. Depuis des siècles, ça se passe comme ça. Et l'homme continue à perpétuer son œuvre. Regardez juste un instant autour de vous. Regardez dans les yeux de ses enfants. Ne voyez-vous pas que le malheur les entoure? Ne voyez-vous pas que le monde se meurt?